Chapitre 7e. L'amour de Pipo et de Béatrice avait pu se comparer d'abord à une source qui s'échappe de terre. Il ressemblait maintenant à un ruisseau qui s'infiltre peu à peu et se creuse un lit dans le sable. Si Pipo eût été noble, il eût certainement épousé Béatrice, car à mesure qu'il se connaissait mieux, il s'aimait davantage. Mais quoique les Vecelli fussent d'une bonne famille de Cadore en Frioul, une pareille union n'était pas possible. Non seulement les proches parents de Béatrice s'y seraient opposés, mais tous ceux qui portaient à Venise un nom patricien se seraient indignés. Ceux qui toléraient le plus volontiers les intrigues d'amour et qui ne trouvaient rien à redire à ce qu'une noble dame fût la maîtresse d'un peintre n'eussent jamais pardonné à cette même femme si elle eût épousé son amant. Tels étaient les préjugés de cette époque qui valaient pourtant mieux que la nôtre. La petite maison était meublée. Pipo tenait parole en y allant tous les jours. Dire qu'il travaillait, ce serait trop, mais il en faisait semblant. Ou plutôt, il croyait travailler. Béatrice, de son côté, tenait plus qu'elle n'avait promis, car il arrivait toujours la première. Le portrait était débauché, il avançait lentement, mais il était sur le chevalet, et quoiqu'on n'y touchât pas la plupart du temps, il faisait du moins l'office de témoin, soit pour encourager l'amour, soit pour excuser la paresse. Tous les matins, Béatrice envoyait à son amant un bouquet par sa négresse, afin qu'il s'accoutumât à se lever de bonne heure. « Un peintre doit être debout à l'aurore, disait-elle. La lumière du soleil et sa vie est le véritable élément de son art, puisqu'il ne peut rien faire sans elle. » Cet avertissement paraissait juste à Pipo, mais il en trouvait l'application difficile. Il lui arrivait de mettre le bouquet de la négresse dans le verre d'eau sucrée qu'il avait sur sa table de nuit et de se rendormir. Quand, pour aller à la petite maison, il passait sous les fenêtres de la comtesse Orsini, il lui semblait que son argent s'agitait dans sa poche. Il rencontra un jour à la promenade Ser Vespasiano qui lui demanda pourquoi on ne le voyait plus. « J'ai fait serment de ne plus tenir un cornet, répondit-il, et de ne plus toucher à une carte. Mais puisque vous voilà, jouons à croix aux piles d'argent que nous avons sur nous. » Ser Vespasiano, qui, bien qu'il fût vieux et notaire, n'en était pas moins le jeu incarné, n'eut garde de refuser cette proposition. Il jeta une piastre en l'air, perdit une trentaine de sequins, et s'en fut très peu satisfait. Quel dommage, pensa Pipo, de ne pas jouer dans ce moment-ci. Je suis sûr que la bourre de Béatrice continuerait à me porter bonheur, et que je regagnerai en 8 jours ce que j'ai perdu depuis 2 ans. C'était pourtant avec grand plaisir qu'il obéissait à sa maîtresse. Son petit atelier offrait l'aspect le plus gai et le plus tranquille. Il s'y trouvait comme dans un monde nouveau, dont cependant il avait mémoire, car sa toile et son chevalet lui rappelaient son enfance. Les choses qui nous ont été jadis familières nous le redeviennent aisément, et cette facilité, jointe au souvenir, nous les renchèrent sans que nous sachions pourquoi. Lorsque Pipo prenait sa palette et que, par une belle matinée, il y écrasait ses couleurs brillantes, puis, quand il les regardait disposées en ordre et prêtes à se mêler sous sa main, il lui semblait entendre derrière lui la voix rude de son père lui crier comme autrefois. « Allons, fainéant, à quoi rêves-tu? Qu'on m'entame hardiment cette besogne !» À ce souvenir, il tournait la tête, mais au lieu du sévère visage du Titien, il voyait Béatrice, les bras et le sein nus, le front couronné de perles, qui se préparait à poser devant lui et qui lui disait en souriant « Quand il vous plaira, monseigneur !» Il ne faut pas croire qu'il fût indifférent aux conseils qu'elle lui donnait, et elle ne les lui épargnait pas. Tantôt elle lui parlait des maîtres vénitiens et de la place glorieuse qu'ils avaient conquise parmi les écoles d'Italie. Tantôt, après lui avoir rappelé à quelle grandeur l'art s'était élevé, elle lui a montré la décadence. Elle n'avait que trop raison sur ce sujet. Car Venise faisait alors ce que venait de faire Florence. Elle perdait non seulement sa gloire, mais le respect de sa gloire. Michel-Ange et le Titien avaient vécu tous deux près d'un siècle. Après avoir enseigné les arts à leur patrie, ils avaient lutté contre le désordre aussi longtemps que le peut la force humaine. Mais ces deux vieilles colonnes s'étaient enfin écroulées. Pour élever au nu des novateurs obscurs, on oubliait les maîtres à peine ensevelis. Brescia, Crémone, ouvraient de nouvelles écoles et les proclamaient supérieurs aux anciennes. À Venise même, le fils d'un élève du Titien, usurpant le nom donné à Pippo, se faisait appeler comme lui le Tizianello et remplissait d'ouvrages du plus mauvais goût l'église patriarcale. Quand même, Pippo ne se fut pas soucié de la honte de sa patrie. Il devait s'irriter de ce scandale. Lorsqu'on vantait devant lui un mauvais tableau, ou lorsqu'il trouvait dans quelque église une méchante toile au milieu des chefs-d'œuvre de son père, il éprouvait le même déplaisir qu'aurait pu ressentir un patricien en voyant le nom d'un bâtard inscrit sur le livre d'or. Béatrice comprenait ce déplaisir, et les femmes ont toutes plus ou moins un peu de l'instinct de Dalila. Elles savent saisir à propos le secret des cheveux de Samson. Tout en respectant les noms consacrés, Béatrice avait soin de faire de temps en temps l'éloge de quelques peintres médiocres. Il ne lui était pas facile de se contredire ainsi elle-même, mais elle donnait à ses faux éloges avec beaucoup d'habileté un air de vraisemblance. Par ce moyen, elle parvenait souvent à exciter la mauvaise humeur de Pippo. Elle avait remarqué que dans ces moments, il se mettait à l'ouvrage avec une vivacité extraordinaire. Il avait alors la hardiesse d'un maître et l'impatience l'inspirait. Mais son caractère frivole reprenait bientôt le dessus. Il jetait tout à coup son pinceau. « Allons boire un verre de vin de Chypre, disait-il, et ne parlons plus de ces sottises. » Un esprit aussi inconstant eût peut-être découragé une autre que Béatrice. Mais puisque nous trouvons dans l'histoire le récit des haines les plus tenaces, il ne faut pas s'étonner que l'amour puisse donner de la persévérance. Béatrice était persuadée d'une chose vraie, c'est que l'habitude peut tout. Et voici d'où lui venait cette conviction. Elle avait vu son père, homme extrêmement riche et d'une faible santé, se livrer dans sa vieillesse aux plus grandes fatigues, aux calculs les plus arides, pour augmenter de quelques sequins son immense fortune. Elle l'avait souvent supplié de se ménager, mais il avait constamment fait la même réponse, que c'était une habitude prise dès l'enfance, qui lui était devenue nécessaire et qu'il conserverait tant qu'il vivrait. Instruite par cet exemple, Béatrice ne voulait rien préjuger tant que Pippo ne se serait pas astreint à un travail régulier. Et elle se disait que l'amour de la gloire est une noble convoitise qui doit être aussi forte que l'avarice. En pensant ainsi, elle ne se trompait pas. Mais la difficulté consistait en ceci, que pour donner à Pippo une bonne habitude, il fallait lui en ôter une mauvaise. Or, il y a de mauvaises herbes qui s'arrachent sans beaucoup d'efforts, mais le jeu n'est pas de celles-là. Peut-être même, est-ce la seule passion qui puisse résister à l'amour, car on a vu des ambitieux, des libertins et des dévots céder à la volonté d'une femme, mais bien rarement des joueurs, et la raison en est facile à dire. De même que le métal monnayé représente presque toutes les jouissances, le jeu résume presque toutes les émotions. Chaque carte, chaque coup de dé entraîne la perte ou la possession d'un certain nombre de pièces d'or ou d'argent, et chacune de ces pièces est le signe d'une jouissance indéterminée. Celui qui gagne sent donc une multitude de désirs, et non seulement il s'y livre en liberté, mais il cherche à s'en créer de nouveaux, ayant la certitude de les satisfaire. De là, le désespoir de celui qui perd, et qui se trouve tout à coup dans l'impossibilité d'agir après avoir manié des sommes énormes. De telles épreuves, répétées souvent, épuisent et exaltent à la fois l'esprit, le jettent dans une sorte de vertige, et les sensations ordinaires sont trop faibles, elles se présentent d'une manière trop lente et trop successive pour que le joueur, accoutumé à concentrer les siennes, puisse y prendre le moindre intérêt. Heureusement pour Pippo, son père l'avait laissé trop riche pour que la perte ou le gain puisse exercer sur lui une influence aussi funeste. Le désœuvrement plutôt que le vice l'avait poussé. Il était trop jeune d'ailleurs pour que le mal fût sans remède. L'inconstance même de ses goûts le prouvait. Il n'était donc pas impossible qu'il se corrigeât, pourvu qu'on surveillât attentivement sur lui. Cette nécessité n'avait pas échappé à Béatrice et sans s'inquiéter du soin de sa propre réputation, elle passait auprès de son amant presque toutes ses journées. D'autre part, pour que l'habitude n'engendrât pas la satiété, elle mettait en œuvre toutes les ressources de la coquetterie féminine. Sa coiffure, sa parure, son langage même, variaient sans cesse, et de peur que Pippo ne vînt à se dégoûter d'elle, elle changeait de robe tous les jours. Pippo s'apercevait de ses petits stratagèmes, mais il n'était pas si sot que de s'en fâcher. Tout au contraire, car de son côté, Il en faisait autant. Il changeait d'humeur et de façon autant de fois que de collerette. Mais il n'avait pas pour cela besoin de s'y étudier. Le naturel y pourvoyait et il disait quelquefois en riant « Un goujon est un petit poisson et un caprice est une petite passion. » Vivant ainsi et aimant tous deux le plaisir, nos amants s'entendaient à merveille. Une seule chose inquiétait Béatrice. Toutes les fois qu'elle parlait à Pipo des projets qu'elle formait pour l'avenir, il se contentait de répondre « Commençons par faire ton portrait. »« Je ne demande pas mieux, » disait-elle, « et il y a longtemps que cela est convenu. Mais que comptes-tu faire ensuite ?»« Ce portrait ne peut pas être exposé en public et il faut, dès qu'il sera fini, penser à te faire connaître. » « As-tu quelques sujets dans la tête ? Sera-ce un tableau d'église ou d'histoire ?» Quand elle lui adressait ces questions, il trouvait toujours moyen d'avoir quelques distractions qui l'empêchaient d'entendre, comme par exemple de ramasser son mouchoir, de rajuster un bouton de son habit ou toute autre bagatelle de même sorte. Elle avait commencé par croire que ce pouvait être un mystère d'artiste et qu'il ne voulait pas rendre compte de ses plans. Mais personne n'était moins mystérieux que lui, ni même plus confiant, du moins avec sa maîtresse, car il n'y a pas d'amour sans confiance. Serait-il possible qu'il me trompât ? Se demandait Béatrice, que sa complaisance ne fût qu'un jeu, et qu'il n'eût pas l'intention de tenir sa parole. Lorsque ce doute lui venait à l'esprit, elle prenait un air grave et presque hautain. « J'ai votre promesse, » disait-elle, « vous vous êtes engagé pour un an, et nous verrons si vous êtes homme d'honneur. » Mais avant qu'elle eût achevé sa phrase, Pipo l'embrassait tendrement. « Commençons par faire ton portrait, » répétait-il, puis il savait s'y prendre de façon à la faire parler d'autre chose. On peut juger si elle avait hâte de voir ce portrait terminé. Au bout de 6 semaines, il le fut enfin. Lorsqu'elle posa pour la dernière séance, Béatrice était si joyeuse qu'elle ne pouvait rester en place. Elle allait et venait du tableau à son fauteuil et elle se récriait à la fois d'admiration et de plaisir. Pipo travaillait lentement et secouait la tête de temps en temps. Il fronça tout à coup le sourcil et passa brusquement sur sa toile le linge qui lui servait à essuyer ses pinceaux. Béatrice courut à lui aussitôt et elle vit qu'il avait effacé la bouche et les yeux. Elle en fut tellement consternée qu'elle ne put retenir ses larmes. Mais Pipo remit tranquillement ses couleurs dans sa boîte. « Le regard et le sourire, dit-il, sont deux choses difficiles à rendre. Il faut être inspiré pour oser les peindre. » Je ne me sens pas la main assez sûre, et je ne sais même pas si je l'aurai jamais. » Le portrait resta donc ainsi défiguré, et toutes les fois que Béatrice regardait cette tête sans bouche et sans yeux, elle sentait redoubler son inquiétude.